Too many sun. I'm looking for oasis sound, but I don't find. Bien, blue. Tiens, je l'avais à un moment son. Perdu. Dommage, j'aimais bien. Putain, comment ça se fait que je suis paumé dans ces trucs là. Guitare rampe. J'aime bien celui-là. Ultrasonique. Il est parti.